Ce concept-là, je l'appelle, j'appelle ça être en autorité de vie. Être en autorité de vie. Je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais je vais vous dire ça. Ça va venir. L'homme n'est pas en autorité de vie. Ça veut dire que l'homme ne peut pas faire ce qu'il veut dans la vie. Ça veut dire que l'homme n'est pas capable de faire ce qu'il veut dans la vie. Ça veut dire que l'homme ne sait pas comment faire pour faire ce qu'il veut dans la vie. Ça veut dire que l'homme ne sait pas quoi faire pour faire ce qu'il veut dans la vie. Ça veut dire que l'homme cherche quoi faire pour faire ce qu'il veut dans la vie. Ça veut dire que si l'homme savait quoi faire, il pourrait faire ce qu'il veut dans la vie. Ça veut dire que si l'homme savait quoi faire, il pourrait faire ce qu'il veut dans la vie pour être bien dans la vie. C'est ça que je veux dire, être en autorité dans la vie. Je commence à comprendre. Il y a deux façons dans la vie de vivre. Soit une façon inconsciente, façon qui à cause de ton plan de vie, qui à cause des circonstances de ta naissance, à cause d'une certaine chance, ça vous plonge dans une situation où vous avez soit de l'argent, votre père a de l'argent, votre grand-père a de l'argent, ou vous avez quelque chose, autrement dit, vous avez un certain acquis, pour lequel vous n'avez pas eu réellement à travailler bien fort pour l'avoir. Fait qu'à ce moment-là, vous avez une sorte d'autorité de vie, mais une autorité de vie qui peut vous être enlevée à n'importe quel temps parce que vous êtes inconscient et parce que vous êtes assujetti au loi planétaire. Ça, c'est une autorité de vie qui peut être très illusoire, qui n'est pas fondée sur le pouvoir de l'homme, mais qui est fondée sur la nature de sa naissance, les caractéristiques de sa naissance. C'est bon pour ce que ça vaut. Tant que ça marche, autrement dit, c'est bon. Quand ça marche plus, tu te suicides. Mais l'autorité de vie que je parle, l'autorité de vie que moi j'ai, que je vis moi, et que les hommes doivent un jour vivre, ça fait partie à la fois de l'intelligence et de la volonté. Et c'est extrêmement difficile à développer, c'est extrêmement difficile à rendre, c'est extrêmement difficile à s'approprier. Parce que l'homme est constamment assujetti à des interférences dans sa vie. Et l'homme n'a pas l'esprit de combat. Et comme l'homme n'a pas l'esprit de combat, à un certain point, il se décourage. Et il y a un point où l'homme ne doit plus se décourager et ne doit faire qu'une chose, combattre, jusqu'à temps qu'il ait totalement contrôlé et assumé le contrôle de sa vie. Ça prend beaucoup d'intelligence et beaucoup de volonté. Et quand je parle de combattre la vie, je ne parle pas de combattre la vie dans le sens idéaliste. Je ne suis pas un idéaliste. Mais je veux dire que l'homme doit en arriver un jour à être suffisamment près de ce qu'il veut faire pour être capable de continuer à absorber l'énergie de l'intelligence qui transforme ses corps pour que éventuellement il puisse faire parfaitement ce qu'il veut faire, lui permettant ainsi d'être en autorité de vie. J'ai aucune illusion que très peu d'hommes, que très peu d'êtres peuvent être en autorité de vie. J'ai aucune illusion, même parmi vous autres, même si je vous aime bien gros, j'ai aucune illusion que très peu d'êtres sur la Terre peuvent être en autorité de vie. Aucune. Mais même si j'explique le principe de l'autorité de vie pour ceux qui peuvent l'être et pour ceux qui ne peuvent pas l'être, ça servira de rempart pour qu'ils puissent se questionner au niveau de leurs émotions et de leur intelligence subjective. L'autorité de vie, ça veut dire le droit de chaque homme, de chaque être, de vivre sa vie à la mesure dont lui voit Et la mesure dont lui voit fait partie de sa volonté réelle, pas sa volonté subjective. Ça fait partie de son intelligence réelle et non pas de son intellect. Et l'homme qui découvre, qui sent, qui a besoin de connaître son autorité de vie, en arrivera à un certain point. Il en arrivera à un certain point à pouvoir combattre tout ce qui pourra l'en empêcher. Et quand je dis combattre tout ce qui pourra l'en empêcher, je ne veux pas dire nécessairement combattre ce qui peut l'en empêcher de l'extérieur. Mais je veux dire combattre ce qui pourra l'en empêcher de l'intérieur. Et lorsque l'homme aura compris les mécanismes internes qui lui empêchent, qui l'empêchent de vivre en autorité de vie, cet homme deviendra tellement puissant intérieurement que la vie sera obligée de plier sous sa volonté. Et quand je dis que la vie plie sous la volonté de l'homme, je dis deux choses. Je dis que l'homme la comprend parfaitement les mécanismes de cette vie. Qui rend son existence pénible, autrement dit, qui lui crée des souffrances. Pour que l'homme en arrive un jour à ne plus pouvoir souffrir. Tant qu'un homme peut souffrir, il n'est pas en autorité de vie. Il est existentiel. Et si vous pensez qu'un homme peut être en autorité de vie, simplement par le désir de l'être, vous vous trompez. Vous vous trompez énormément. Vous vous trompez absolument. Pour être en autorité de vie, il faut à un certain moment donné de la vie, de la transmutation, en arriver à être comme le bœuf dans l'arène en Espagne, avoir du rouge et à foncer dedans aussitôt qu'il apparaît. Et un homme qui n'est pas capable de foncer dans le rouge et de l'éliminer aussitôt qu'il apparaît ne peut pas être dans l'autorité de vie parce qu'il est contrôlé par des forces inférieures, par des forces astrales qui se servent de sa crainte, de l'inquiétude et de toutes sortes de subterfuges pour l'empêcher de devenir libre en action créative et l'empêcher d'être libre sur le plan matériel avant d'être libre sur le plan éthérique. Et j'ai déjà dit que pour qu'un homme soit libre sur le plan matériel, sur le plan éthérique, il faut qu'il soit libre d'abord sur le plan matériel. Et les âmes qui seront libres sur le plan éthérique seront libres d'abord, libérées d'abord sur le plan matériel. Parce que le plan matériel, c'est le plan où les corps sont ajustés et où les corps augmentent en taux vibratoire. Et le plan éthérique, c'est simplement la continuité de ceci. Donc, les hommes de demain doivent en arriver un jour à être capables d'assumer tellement leurs responsabilités vis-à-vis eux-mêmes et vis-à-vis eux-mêmes seuls, pas la société, vis-à-vis eux-mêmes seuls, vis-à-vis ceux qui sont sous leur responsabilité, femmes, enfants, ainsi de suite, pour être capables éventuellement de décrocher tout ce dont ils ont besoin dans la vie pour être en autorité de vie. Avec la sensibilisation de l'homme et avec la conscientisation de l'homme, il est évident que la vie devient de plus en plus difficile. Parce que quand un homme se conscientise, ce n'est plus l'argent ou la sécurité matérielle qui peut l'empêcher de souffrir. Ce sont les conditions vibratoires directement proportionnelles à des conditions matérielles, psychologiques, qui le font souffrir. Un homme conscient peut souffrir de choses qui sont totalement internes. Et un jour, un homme conscient ne doit plus souffrir de ces choses-là. On a une notion très fausse dans la société de l'homme. On a l'impression dans la société de l'homme que si on va à l'école et qu'on a une job et qu'on travaille, qu'on a une éducation, on peut avoir une job, on peut avoir un travail, on peut se nourrir, et ainsi de suite. C'est une notion qui est fausse. Parce que le travail qui existe dans la société de l'homme, la possibilité de travailler, de se nourrir, d'aller se chercher des sous, elle est le résultat d'un droit donné à l'homme par la société. C'est un droit qui est donné à l'homme par la société, de sorte que l'homme n'a pas autorité de vie quand il est inconscient qu'il travaille dans la société. Il est simplement un employé, un esclave, il est un élément dans une grande machine qui, si elle s'arrête, lui aussi doit s'arrêter. Mais un homme conscient ne fonctionne pas comme ça. Un homme conscient, ça ne s'arrête plus. Un homme conscient ne peut pas être dicté par la société, par les lois mécaniques de la société, s'il va manger demain ou s'il ne mangera pas. S'il va avoir un job demain ou s'il n'aura pas. L'homme conscient doit être capable de lui-même se créer son propre ouvrage. Autrement dit, se créer les conditions dont il a besoin de sa vie, sur le plan matériel, en autorité de vie. Mais pour que l'homme conscient puisse faire ceci, il faut qu'il soit intelligent, il faut qu'il soit volontaire. C'est-à-dire que il faut qu'il soit suffisamment intelligent pour ne pas se décourager. Ça prend de l'intelligence pour ne pas se décourager. C'est bien plus facile se décourager que ne pas se décourager. Et je vais vous dire une chose, ça prend de l'intelligence pour ne pas se décourager. Et si vous n'avez pas d'intelligence, vous vous découragerez. Et si vous avez de l'intelligence, vous ne vous découragerez pas, mais vous deviendrez de plus en plus en Christ. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez commencer à appartenir à cette couche de conscience humaine qui vit d'autorité, qui est en autorité de vie et qui construit sa vie matérielle comme il construit sa vie éthérique. Quand je dis qu'on est dans l'illusion, les hommes, on est dans l'illusion du travail, on est dans l'illusion de la relation avec le social, on est dans la relation d'être nourri par le social, d'être maintenu, supporté par le social, je veux dire qu'un jour ou l'autre, le social, à cause des contingences présentes, contemporaines de notre société, un jour, le social ne pourra plus prendre soin de l'homme. Il prendra soin de certains hommes, mais il ne pourra plus prendre soin de tous les hommes. Et déjà, ça commence dans le monde occidental. Le social ne peut plus prendre soin de tous les hommes. Ou s'il prend soin des hommes, il prend soin des hommes à une échelle qui n'est pas une échelle convenable pour certains hommes. Vivre sous l'assurance chômage, oui, ça ne me convient pas. Autrement dit, l'homme, pour qu'il vive en autorité, il faut qu'à un certain moment dans sa vie, il dépasse le cap du découragement. Parce que le cap du découragement, c'est la mesure de ce que vous pouvez faire plus tard, après la destruction en vous de toute votre sécurité psychologique et de toute votre insécurité psychologique. Autrement dit, un homme ne peut pas vivre de sécurité psychologique et d'insécurité psychologique. L'homme doit vivre seulement d'une chose, de la force interne de son intelligence et de sa volonté. Tout le reste, c'est de la merde. Tout le reste, c'est de la merde. Si vous avez aujourd'hui une sécurité psychologique ou une insécurité psychologique, parce que la sécurité psychologique, elle est de l'insécurité psychologique si vous grattez dans le fond de l'affaire. Et si vous vivez de cette sécurité psychologique-là, un jour, elle vous sera enlevée. Que ce soit dans vos amours, que ce soit dans vos jobs, que ce soit dans vos enfants ou que ce soit dans n'importe quoi, mais elle vous sera enlevée parce que l'homme ne peut pas être en autorité de vie et n'avoir besoin de quoi que ce soit qui soit psychologiquement sécuritaire. L'homme a besoin, quand il est en autorité de vie, de la dimension supramentale de son intelligence et de la dimension supramentale de sa volonté. Autrement dit, l'homme a besoin d'être le plus près possible de lui-même. C'est-à-dire que, pour être le plus près possible de lui-même, il doit être le plus éloigné possible de ses illusions. Alors, l'homme commence à être en autorité de vie. Et il va se produire dans votre vie, dans les années qui viennent, des conditions, des conflits, des situations de souffrance qui vont tester votre capacité d'être en autorité de vie. Et même si aujourd'hui vous n'avez pas été testé, vous serez testé éventuellement. Un homme ne peut pas être en autorité de vie sans être testé parce que le test, c'est sa mesure de pouvoir l'être en autorité de vie. Fait que vous serez testé et ceux qui ne seront pas testés, c'est parce qu'ils ne seront pas capables de l'atteindre, ce niveau-là. Alors, automatiquement, ils seront épargnés. Ils seront automatiquement épargnés parce que déjà, il y aura en eux des mécanismes psychologiques qui seront la mesure de leur incapacité et cette mesure-là, elle est déjà connue des forces qui sont sur les autres plans. Alors, pour empêcher que vous soyez détruits dans votre humanité, dans votre esprit, les forces se retireront ou se tiendront à distance de votre centre mental et automatiquement, vous ne pourrez pas les utiliser à volonté, de sorte que vous ne pourrez pas être dans votre autorité de vie. Ça se fera dans une autre vie. C'est très difficile à l'homme inconscient de réaliser qu'est-ce que c'est l'autorité de vie. C'est très concret pour un homme conscient, mais c'est très abstrait pour un homme inconscient. Bien que ça se sente. Mais c'est dans l'action que ça se réalise. Dans l'action d'intelligence et de la volonté. Un homme ne peut pas, sur le plan matériel, être conscient et ne pas avoir un contrôle total sur sa destinée. Un homme, sur le plan matériel, doit avoir un contrôle total sur sa destinée parce qu'il ne peut pas engendrer des aspects d'un plan de vie naturel qui est déterminé par son tempérament et son caractère. Il doit engendrer des forces qui sont le résultat de la canalisation du mental et de la volonté en lui pour créer sa propre destinée. Une grande différence entre la destinée de l'évolution et le plan de vie naturel planétaire de l'homme. Et la plupart des hommes, l'humanité aujourd'hui, vit son plan de vie planétairement organisé, mais un plan de vie qui n'a rien à faire avec sa destinée et aucunement rien à faire avec sa volonté et son intelligence. Pour ceux qui connaissent la souffrance mentale, pour ceux qui connaissent la douleur de la souffrance mentale, l'aiguillonnage de la souffrance mentale, l'écœurantrie de la souffrance mentale, la colère qui sort de la souffrance mentale, le désir illusoire de tout foutre en l'air de la souffrance mentale, l'incapacité de faire quoi que ce soit dans la souffrance mentale, pour ces gens-là, j'ai un conseil. Et le conseil que j'ai, c'est ceci. C'est que apprenez à comprendre que l'état dans lequel vous êtes, c'est un état temporaire et dissociez-vous de l'état psychologiquement et vous pourrez le subir, le vivre, le souffrir énergétiquement. Mais si vous vous associez à cet état psychologiquement, vous allez monter en crise les murs. Je vous le dis. De sorte que, après ça, vous pourrez le subir, mais ne jamais être découragé de l'état, et automatiquement, vous pourrez graduellement rentrer dans votre autorité de vie, parce qu'à un certain moment, il y aura une connexion entre votre mental supérieur et votre mental inférieur, entre votre intelligence réelle, votre intelligence subjective, votre volonté réelle, votre volonté subjective, de sorte que vous serez capable de voir très clair dans ce que vous faites et à pointer dans votre vie les mesures dont vous avez de besoin pour vivre votre vie à la mesure que vous êtes vous-même. Mais si vous vous associez psychologiquement à vos souffrances mentales, vous allez passer un maudit quart d'heure. Un homme conscient devrait être capable de souffrir la souffrance mentale sans même pouvoir y penser. À ce moment-là, il y a transmutation de ses corps subtils, il y a descente d'intelligence et de volonté, et automatiquement, il avance de plus en plus dans son autorité de vie. Un jour, quand il est suffisamment capable, à cause de l'énergie, de l'intelligence et de la volonté, de manipuler cette énergie-là, il fait ce qu'il veut. On a été, pendant très longtemps, assujetti à une idée fixe. L'idée fixe étant celle qui veut que nous devenions conscients. C'est de la merde devenir conscient. Ça fait partie des doctrines spirituelles de votre ancienneté, devenir conscient. Ça fait partie du corps de désir de l'homme de devenir conscient. Ça fait partie de vos appétits, de vos petits appétits d'être humain qui font de vous des petits êtres humains, de vouloir devenir conscient et de vouloir évoluer. Chaque homme possède de l'intelligence et de la volonté. Je renie toutes les théories, toutes les idées philosophiques occidentales et orientales qui ont posé devant l'œil de l'homme, devant son esprit, la formule idéale de sa, de salvation, comment on dit ça en français, de son salut. C'est de la merde! L'homme n'a pas besoin de son salut. L'homme a besoin d'être intelligent et volontaire. C'est ça son salut. Alors, tout le reste, c'est un film. C'est de l'astralité extrêmement subtile, extrêmement complexe, que l'homme ne comprend pas parce que l'homme est prisonnier de cette forme. Et c'est pour ça que l'homme ne peut pas vivre, ne peut pas connaître l'autorité de vie. Parce que l'homme n'a jamais été instruit dans la nature des choses. L'homme n'a jamais été expliqué les mécanismes de l'illusion astrale et spirituelle et philosophique et psychologique de son psychisme. L'homme n'a jamais été expliqué qu'est-ce que c'est la vie mentale et la vie de la volonté. De sorte que l'homme a toujours vécu sa vie dans une condition sous-jacente à sa réalité pure, c'est-à-dire à la descente de cette énergie dans ses corps pour que cette énergie soit canalisé extérieurement pour que lui puisse un jour être en autorité de vie. Et cette autorité de vie devient de plus en plus grande et devient de plus en plus grande jusqu'au jour où l'homme est capable de commander à la nature ce qui est le but éventuel et finalisant de l'autorité de vie. C'est ça que ça veut dire, l'autorité de vie. Ça veut dire qu'un jour tu commandes à la nature. Ça veut dire qu'un jour tu peux commander à des êtres qui sont inférieurs en vibration à toi-même. Ça veut dire que l'autorité de vie, c'est la maximalisation sur le plan matériel de l'énergie de la hiérarchie cosmique. Le reste, c'est de la merde. Si vous pensez pour une minute que parce que vous lisez la cosmovénie d'Urantia, parce que vous lisez la vie des maîtres, puis parce que vous lisez des livres, que vous allez aller quelque part, vous avez menti. Vous avez absolument menti. qui est de la lumière sur une planète, ça prend du courant. Pour qu'il y ait de la lumière, une plaque de lumière, ça prend du courant. Il y en a du courant, puis c'est moi le courant. Puis ça sera toujours moi le courant. Pendant 2500 ans, ça sera moi le courant. C'est pour ça que l'homme, demain, pourra commencer à comprendre qu'est-ce que c'est la vie. Parce qu'il y aura du courant sur le plan matériel qui pourra donner à l'homme un peu de compréhension concernant sa réalité. Au lieu que l'homme vive dans une condition de vie qui est totalement autre que celle qu'il devrait connaître et qui est totalement assujettie à des illusions spirituelles qui font de lui un esclave au lieu d'un maître. Quand je vous dis que je suis le courant, je m'en crisse d'être le courant. Ça donne comme ça que je suis le courant. Mais vous avez l'avantage, vous avez dans le temps l'avantage d'être assez proche du courant pour comprendre plus vite ce qui se passe dans votre vie personnelle pour que vous autres, un jour, vous puissiez être dans votre propre courant, qui est le même courant. Pour que vous puissiez vivre votre vie en autorité de vie. L'assujettissement de l'homme à toutes les formes possibles et imaginables contenues dans sa réalité psychologique est tellement grand, c'est tellement grand que c'est inouï. Vous ne pourrez jamais être dans votre autorité de vie sans sentir et sans vibrer à l'énergie en vous. Fait automatiquement, vous serez obligé de passer des mauvais capteurs. Vous ne pouvez pas faire autrement. Mettez-vous les dans la tête une fois pour toutes. Fait quand vous êtes rendu à ce stage-là, tant mieux. Mais rendu à ce stage-là, au lieu d'être en crise contre moi, arrangez-vous donc pour être en crise contre les autres. Pour faire descendre l'énergie en vous autres. Au lieu de perdre votre temps à être en crise contre moi. Depuis que l'homme est sur la terre, il n'a jamais été en autorité de vie. Ça n'a jamais été donné à l'homme d'être en autorité de vie, même durant la période des Atlantes. L'homme n'était pas en autorité de vie. Parce que pour être en autorité de vie, il faut être intelligent. Et les Atlantes n'étaient pas intelligents, ils étaient clairvoyants, c'est pas pareil. Il y a une maudite différence entre être intelligent et être clairvoyant. Il n'y a pas nécessairement de l'intelligence dans la clairvoyance. C'est une forme de prévision, de vision astrale élevée. Mais être intelligent, c'est une autre paire de manches. Être intelligent, c'est être capable de parfaitement se sécuriser à tous les niveaux de notre existence. C'est ça, être intelligent. Cherchez pas d'autre chose. Être intelligent, c'est pas connaître les secrets des planètes, l'organisation des planètes, puis le cosmos. Être intelligent, c'est d'être capable de se sécuriser mentalement, émotivement, vitalement et physiquement. C'est ça, être intelligent. Fait que même si vous avez la tête pleine d'ésotérisme, puis vous êtes dans la merde, vous êtes pas intelligent. Vous êtes sans dessein. pour qu'un homme soit en autorité de vie, il faut qu'il ait un discernement tellement aiguisé du pour et contre de toutes ses actions, de chacune de ses actions, qu'il soit capable de commettre une action, sachant qu'en la commettant, cette action-là, elle lui rapportera. Mais si un homme ne sait pas, ne connaît pas le balance sheet de ses actions, et qu'il fait des actions sans en connaître la comptabilité, il risque, surtout quand il est en contact avec des forces vibratoires aussi grandes que celles qui entrent en nous autres présentement, il risque de se trouver, comme Job, sur un tas de fumier. Et je vous le dis, il y a des gens parmi vous autres qui sont beaucoup trop pressés. Maudit que vous êtes pressés! Puis ça me fâche que vous soyez pressés parce que je sais que vous allez souffrir parce que vous êtes pressés. Je le sais, moi. Je le sais tout le temps, moi. Puis j'essaie de vous empêcher de vous faire souffrir pour rien en vous disant prenez votre temps, prenez votre temps, prenez votre temps, puis prenez votre temps. Vous connaissez pas qu'est-ce que c'est la vie. Moi, je la connais, qu'est-ce que c'est la vie. Je suis la vie. On parle, je vous parle, je vous donne des plans de l'avenir de l'homme. Je vous dis, demain, l'homme ne doit plus travailler que pour lui-même. Je vous dis que demain, l'homme doit être indépendant de la société. Je vous dis que l'homme doit avoir des relations saines avec la société. Je vous dis que l'homme doit être capable de se cultiver lui-même une structure matériel pour être bien dans sa peau pour pouvoir continuer à évoluer de plus en plus. Mais il y en a qui sont déjà prêts à faire des investissements dans ce que je dis. Ça marche pas de même. Je suis pas un businessman, moi. Je suis un initié. Je vous dirai quand ça sera temps de faire des investissements. Laissez-moi vous dire que vous serez prêts dans ce temps-là. Je vous parle. Je vous parle toujours pour demain, pour vous préparer à comprendre demain, pour que vous ayez au moins une ligne, une liaison avec demain, pour qu'en attendant, si ça va mal, vous ne soyez pas trop découragés et que vous voyez qu'il y a de l'avenir pour l'homme conscient, son propre avenir. Mais il y a une marge entre ça et la manifestation du plan. Il y a un temps pour le plan. Autant la vie est facile quand on est en autorité de vie, autant elle est pénible quand on ne l'est pas, et autant elle est difficile, la vie, quand on y devient. L'autorité de vie, c'est un acheminement de l'homme de la cinquième race vers des conditions matérielles de l'homme de la sixième race avant les conditions occultes et magiques de l'homme de la sixième race. L'autorité de vie, c'est le pouvoir de l'homme sur la vie. C'est le pouvoir de l'homme sur la vie. Ça veut dire que c'est le pouvoir de l'homme sur les événements de la vie. Mais ce pouvoir-là, il est prédéterminé, proportionnel, à notre intelligence et à notre volonté. Surtout à notre intelligence. J'ai un de mes amis, là, il est écœuré, là, il voudrait lâcher la job. C'est pas le temps de lâcher la job. S'il lâche la job, il va avoir des tensions financières. On est dans l'illusion. Et on ne comprend pas que notre vie est toute mesurée d'avance. Est toute sue d'avance. Il faut qu'on arrive aux événements quand c'est le temps, pas avant. Si on arrive avant, on souffre. et les événements sont distancés pour nous créer, forcer à vivre une sorte de patience. Une patience maudite et écœurante qui nous rend indestructibles émotivement. C'est ça, la mutation de l'âme. Quand t'en arrives à ce que tu peux plus être détruit, c'est quand t'en arrives que tu peux plus être détruit. Là, t'es là. Mais faut qu'on soit mesuré, faut qu'on soit testé, faut qu'on soit amené à un taux vibratoire pour être comme ça. On peut pas être comme ça par définition psychologique, philosophique ou par désir spirituel. Les maîtres dans le monde qui auraient vécu ma vie seraient venus fous comme de la marde. Ben beau ça être un maître, puis donner des conseils spirituels à l'humanité, ça c'est une chose. Mais quand t'es obligé de vivre la fusion avec des forces qui te dominent totalement, mon cher, totalement, pas comme vous autres ça vous domine un petit peu, mais quand ça te domine totalement, faut que t'en arrives un jour à contrôler la domination. C'est une crise de tête de cochon. Là, tu peux aider l'homme à comprendre quelque chose. T'as connais la game. Puis t'essayes de l'expliquer la game. C'est pour ça que j'essaie de faire ça. C'est une game. L'autorité de vie, c'est une condition absolue de l'être humain vis-à-vis la vie planétaire. Vis-à-vis la vie éthérique demain. L'autorité de vie, c'est le pouvoir de l'esprit de l'homme sur les corps subtils de l'homme. C'est l'équilibre entre l'esprit de l'homme et les forces cosmiques. C'est quelque chose, l'autorité de vie. L'équilibre entre l'esprit de l'homme et les forces cosmiques. Alors, quand l'homme est suffisamment intelligent et volontaire pour demander, pour forcer qu'il y ait équilibre entre son esprit et d'autres esprits, d'autres forces cosmiques, à ce moment-là, il est bien sur tous les plans de l'évolution, matériel et autre. Mais il faut qu'il soit préparé. Il y a des gens qui me demandent des fois, comment ça fait que tu parles, puis tu parles, puis tu parles, puis tu parles, puis tu parles, puis tu parles, pendant des années. Quoi? Je parle, je vais vous en donner une raison pourquoi est-ce que je parle. Je parle pour vous nourrir jusqu'à temps que vous soyez suffisamment fort, suffisamment dans votre autorité de vie pour vous disperser complètement dans le monde, si vous voulez. C'est ça que je vous parle. Pour vous renforcer jusqu'à ce point où vous soyez suffisamment fort pour être on your own. Absolument on your own. Seul ou pas seul. On revient. L'autorité de vie que l'homme doit avoir fait partie, comme ils disent en anglais, it's a gut feeling. Ça fait partie intégrale de l'esprit de l'homme. Ça fait pas partie de l'intellect, ça. Ça fait partie de l'esprit de l'homme. C'est déjà esprit, ça, l'autorité de vie. Pas intellect. L'intellect, ça n'a pas de pouvoir. C'est une coque. Mais l'esprit, c'est le pouvoir. Et quand l'esprit commence à se libérer de l'intellect, quand l'esprit commence à se libérer de la psychologie de l'homme, de la symbologie de l'homme, l'homme commence à entrer dans l'autorité de vie. Il n'y a plus rien à son épreuve. Et quand je dis qu'il n'y a rien à son épreuve, je dis qu'il n'y a plus rien à son épreuve. Selon les épreuves, il réagira. Il n'y a rien, rien sur une planète qui peut s'opposer à l'esprit de l'homme. Rien. Pas une face. Pas une condition. Parce que dans l'esprit de l'homme, il y a de l'intelligence et de la volonté. Et ces deux forces-là ensemble, ces deux principes-là ensemble, créent sur le plan matériel les conditions idéales pour la vie humaine. Ce qui empêche l'homme de connaître, de sentir son esprit de vie, c'est très simple. C'est l'illusion très subtile, mais c'est l'illusion maudite dans le fond de lui-même, quelque part, qu'il est un être spirituel. Aussitôt que vous avez la moindre vibration de spiritualité, ça vous enlève votre autorité de vie. Ça vous donne une idée de ce que je veux dire. La moindre vibration spirituelle. La moindre. Puis vous ne les connaissez pas toutes, vos vibrations spirituelles. Vous connaissez ce qui arrive en surface. Mais ce qui est dans le fond, que l'énergie déloge et déloge et déloge et déloge pendant la mutation, c'est ça qui crée l'autorité de vie. Ça, pas d'autre genre. Pas d'autre genre. Vous voulez savoir jusqu'où vous n'avez de la spiritualité, même si vous ne la réalisez pas sur le plan matériel? Regardez vos rêves. Vos rêves seront l'indicateur inconscient de votre spiritualité. Regardez vos rêves. Si vous n'avez un rêve durant un an, un qui est spirituel, vous êtes spirituel. Un temps. Alors, l'électrification de vos corps que vous vivez, les écœurements que vous vivez durant la journée, dans la vie, dans le bureau, ainsi de suite, ça sert à quoi? Ça sert à détruire ça. C'est pour ça que vous n'avez de besoin, parce que c'est ça qui va vous rendre libre. C'est ça qui va vous donner l'autorité de vie, qui va vous donner la volonté cohérente et volontaire et intelligente de la conscience cosmique de l'homme, de l'esprit de l'homme nouveau. Sans ça, vous allez nulle part. Vous êtes obligé de mourir, vous n'avez pas le choix. Meurt pas qui veut, meurt qui peut. Ça vous donne une idée quand je parle d'autorité de vie. Si vous n'êtes pas sûr que vous ne devez pas et que vous n'êtes pas capable et que vous ne voulez pas et que vous ne mourrez pas, si vous n'êtes pas sûr, 100%, vous avez encore la spiritualité. C'est ça qui va faire mourir. Demain, ça marche. Tout simple que ça. C'est short and sweet. La minute que tu penses que tu peux mourir, t'es mort. Tu gagneras pas gros. Tu vas pas travailler. Ça va loin, l'autorité de vie. L'autorité de vie, ça le dit, autorité de vie. Oui, si je veux pas mourir tout de suite, puis je veux mourir dans 2000 ans, je meurs dans 2000 ans, c'est de mes affaires à moi. Mes affaires à moi, à mon esprit à moi. C'est à qui l'esprit, c'est à moi? C'est moi. Pas que Christ d'organisation.